Chapitre 17. Le suprême espoir. Qu'il fut installé à son superbe pupitre d'acajou dans son bureau du ministère de la guerre, qu'il se pavana majestueusement au dehors, revêtu de son habit à queue et de son huit reflets, ou qu'il daigna rehausser de sa présence l'éclat de quelques cérémonies officielles en ce bel uniforme qui appartenait à sa fonction, M. Hector Ducroix faisait un personnage imposant. Au lit, hélas, ce n'était plus du tout la même chose. Lanière tourna le commutateur de la lampe de chevet, la dirigea de telle sorte que sa clarté donna en plein sur la figure du dormeur, et tout en s'asseyant, eut un sourire. Le ministre de la guerre était étendu sur le dos, et son embonpoint remarquable perturbait fâcheusement la modeste harmonie des couvertures. En travers de sa poitrine en pente, ses mains grasses se repliaient en un geste d'une ingénuité touchante. Il avait la figure rouge, un noble reflet brillait sur la convexité de sa calvitie, et sa bouche était ouverte. À son insu, il faisait de son mieux pour donner une imitation prolongée d'un combat de chien, et il déployait réellement une virtuosité émérite. On distinguait aisément les aboiements de chacun, leurs grognements, leurs jappements, qu'accompagnaient les voix unies de non-combattants surexcités. Aussi brusquement que si un auditeur, s'ennuyant de ce divertissement phonographique, avait soulevé l'aiguille du disque, il s'interrompit. Le ministre de la guerre s'étira avec gêne dans son sommeil, marmotta un gros mot, ouvrit un œil, fronça les sourcils et ouvrit l'autre. Il clignotait furieusement, à demi ébloui, mais néanmoins capable de discerner la déconcertante silhouette d'un homme assis juste au-delà de la clarté. Personnage muet, qui ne remuait pas, mais le regardait fixement. Apparition d'autant plus inquiétante qu'elle était immobile. Rapidement, la face du ministre de la guerre se décolora de plusieurs tons. Il s'humecta nerveusement les lèvres et convulsivement agrippa le drap et le ramena autour de son cou, comme s'il avait l'impression trompeuse que la majesté de sa personne était menacée. « Que me voulez-vous, monsieur ? » bégaya-t-il d'une petite voix tremblante qu'il eût été le dernier à reconnaître pour la sienne. « Je désire traiter une affaire avec vous, monsieur, » répliqua l'intrus après une courte pause. « Si vous voulez avoir l'obligeance de vous calmer, je suis parfaitement calme. » Mais ici, le ministre de la guerre vérifia d'un regard rapide une impression antérieure, à savoir que l'homme tenait un objet brillant d'un éclat métallique et son âme commença à se recroqueviller en lui. « Il y a 1 800 francs dans mon portefeuille, à peu près, » réussit-il à articuler. « Ma montre est sur la table de nuit. Vous trouverez l'argenterie dans le coffre de la salle à manger, derrière le buffet. La clé est pendue à mon trousseau, et les bijoux de madame mon épouse sont dans un petit coffret à secret sous le chevet de son lit. La combinaison... » « Pardon, monsieur, vous me prenez, » interrompit sèchement le cambrioleur. « Ces choses de valeur, je les aurais bien prises sans me donner la peine de troubler votre repos. Mais j'ai déjà exposé la nature de ma visite. » « Hein ?» fit le ministre. « Qu'est-ce que c'est ? Donnez-moi donc de grâce le moyen de comprendre. Je ne vous ai jamais fait de mal volontairement, monsieur. Et si je vous en ai fait sans le savoir, soyez assuré que vous n'avez qu'à m'adresser une réclamation par les voies officielles. Et je ne serai que trop heureux de vous faire réparation. » « Vous ne comprenez toujours pas, » reprit l'autre. « Allons, monsieur Ducroix, calmez-vous. Je ne vous ai pas volé parce que je n'en ai aucun désir. Je ne vous ai pas fait de mal pour la même raison. Mon unique désir est de vous exposer, en votre qualité de membre du gouvernement, une affaire qui concerne les intérêts de l'État. » Il y eut un silence, tandis que monsieur le ministre se pénétrait de cette exhortation. Puis, rassuré apparemment, il se mit sur son séant et examina son intempestif visiteur avec un regard quelque peu truculent. « Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Une affaire, dites-vous ? Quel genre d'affaire ? Si vous désirez soumettre à mon appréciation une affaire quelconque, comment cela se fait-il que vous pénétrez dans ma demeure au cœur de la nuit et m'éveillez de cette façon brutale ?» Ici, sa voix s'altéra. « Avec une arme de mort braquée sur moi !» Monsieur reconnaîtra qu'il parle sous l'influence d'une illusion, répliqua le bandit. « Je n'ai pas encore braqué sur lui ce revolver. Je serais fort marré d'avoir à le faire. Je l'exhibe en réalité à seule fin que monsieur ne s'oublie pas au point d'appeler ses domestiques dans son ressentiment contre cette méthode inusitée, je l'avoue, de venir lui demander audience. Quand nous nous comprendrons mieux l'un l'autre, une telle précaution deviendra superflue, et alors je mettrai mon arme de côté, de façon que sa vue n'importune plus monsieur. « C'est vrai, je ne vous comprends pas, » grommela le ministre. « Pourquoi, si votre mission est pacifique, pourquoi pénétrer ainsi chez moi ?»« Parce qu'il était de toute urgence pour moi de voir à l'instant monsieur. Monsieur voudra bien songer à la réception qu'on aurait si on sonnait à sa grande porte pour lui demander audience à 3 heures du matin. » « Eh bien, » concéda Ducroix en hésitant. Puis à la réflexion, il réitéra sur un ton interrogateur. « Eh bien, que voulez-vous donc ?»« Monsieur me comprendra mieux quand il aura examiné ce que j'ai à lui montrer. » Là-dessus, Lagnard glissa son revolver dans sa poche de manteau, tira d'une autre un porte-cigarette en or, et parmi la provision que renfermait ce dernier, choisit avec soin une unique cigarette. Tout en regardant le ministre d'un air de mystère, il se mit à rouler vivement la cigarette entre ses paumes. Une petite pincée de tabac se répandit sur le sol. Le papier de soie se brisa et s'éparpilla. Et avec le gracieux sourire et le geste d'un prestidigitateur authentique, Lagnard exhiba entre le pouce et l'index un petit rouleau de papier raide. En roulant de gros yeux irrités, M. Ducroix lança. « Dites donc, est-ce que vous vous fichez de moi ?» Toujours avec le sourire, Lagnard se pencha en avant et, sans un mot, déposa le rouleau dans la main du Français. En même temps, il lui tendit une loupe de poche. « Qu'est-ce que c'est ?» répétait niaisement Ducroix. « Qu'est-ce que c'est ?» « Si monsieur veut avoir la bonté de dérouler les papiers et de les examiner à l'aide de cette lentille ?» Avec un grognement étonné, l'autre obéit, déroula plusieurs petites feuilles de papier à épreuve photographique sur lesquelles avaient été reproduites plusieurs dessins extraordinairement compliqués et minutieux, ressemblant assez à de laborieux efforts pour styliser une toile d'araignée. Mais monsieur Ducroix ne les eut pas plutôt examinés à la loupe qu'il tressaillit violemment, poussa une exclamation de surprise et se livra à un examen prolongé et scrupuleux des épreuves. « Monsieur est sans doute satisfait à présent, » interrogea Lagnard, quand sa patience fut à bout. « Elles sont authentiques ?» demanda vivement le ministre, sans lever les yeux. « Monsieur peut aisément distinguer les notes inscrites sur les dessins par l'inventeur même, Georges Huysmans. En outre, chaque plan a été marqué dans le coin gauche inférieur du mot « accepté », suivi des initiales du ministre de la guerre d'Allemagne. Ceci, je pense, établit sans conteste possible l'authenticité des photos du plan de l'invention de Huysmans. « Oui, » acquiesça le ministre haletant. « Vous avez les négatifs qui ont servi à tirer ces épreuves ?»« Les voici, » répondit Lagnard en désignant une seconde cigarette. Et d'un geste si sûr et si désinvolte que l'opération fut accomplie avant que l'autre, dans sa préoccupation, s'en aperçût, l'aventurier se pencha en avant et rafla les épreuves de dessus la couverture au nez de M. Ducroix. « Hélas ! » s'exclama le Français. « Pourquoi faites-vous ça ? Monsieur ne doute plus de leur authenticité ? Je vous le concède. Alors je reprends ces épreuves durant les négociations pour leur transfert à la France. « Comment les avez-vous obtenues ? » interrogea M. Ducroix après une minute de silence. « Monsieur a-t-il besoin de le demander ? La France est-elle si mal servie par ses espions que vous ne sachiez pas déjà la mésaventure arrivée à Londres à un certain capitaine Ekstrom ?» Ducroix secoua la tête. Lagnard accueillit cette dénégation avec impatience. Il lui semblait à peine possible que le ministre de la guerre français pût être si stupide ou si ignorant. Mais, avec un haussement d'épaule indulgent, il se mit à expliquer. Le capitaine Ekstrom n'a réussi que depuis peu à photographier ses plans et il les a emportés à Londres pour les vendre à l'Angleterre. Malheureusement pour lui et pour la perfide Albion, le capitaine Ekstrom a fait ma rencontre et m'a pris pour le représentant de Downing Street. Et voici les plans. « Vous êtes donc le loup solitaire ?»« Je suis, en ce qui vous concerne, monsieur, simplement la personne en possession de ces plans, qui les offre par votre intermédiaire à la France, moyennant un certain prix. Mais pourquoi vous introduire auprès de moi de cette façon insolite, en vue d'une transaction pour laquelle la filière habituelle, qui ne doit pas vous être étrangère, est plus spécialement indiquée ? Simplement parce que Ekstrom m'a suivi à Paris, expliqua Lagnard avec modération. si je m'étais hasardé à venir vous trouver de la façon normale, mes chances de jouir de la vie ensuite eussent été pratiquement nulles. De plus, les circonstances pour moi sont telles qu'il est devenu nécessaire que je quitte la France immédiatement, sans une heure de délai, et secrètement aussi. Ou bien, je n'aurai plus qu'à rester ici pour me faire massacrer. Or, vous disposez du seul moyen que je sache d'accomplir mon projet. Et c'est là le prix, le seul prix que vous aurez à me donner pour ces plans. Je ne vous comprends pas. Il est au programme, n'est-ce pas, que le capitaine Vauquelin, du corps de l'aviation, doit tenter un vol sans escale de Paris à Londres ce matin, avec deux passagers, sur un nouveau biplan Paro. C'est exact. Eh bien... Il faut que je sois l'un de ces passagers. Et j'ai une compagne, une demoiselle, qui prendra la place de l'autre. Ce n'est pas possible, monsieur. Ces détails sont déjà réglés. Vous les modifierez. Le temps me manque. Vous pouvez avoir la communication avec ici en 2 minutes. Mais on a promis aux passagers... Vous dépromettrez. Le départ aura lieu aux premières lueurs du jour. Comment pourrez-vous arriver à temps à ici? Avec votre automobile, monsieur. C'est impossible. Il le faut. Si l'on doit retarder le départ jusqu'à mon arrivée, vous donnerez les ordres pour qu'il en soit ainsi. 1 minute, le ministre de la guerre hésita, puis il secoua la tête résolument. Les difficultés sont insurmontables. Il n'y a là rien d'insurmontable, monsieur. Je le regrette, cela ne peut pas se faire. C'est votre dernier mot? J'en suis désolé, monsieur. Fort bien. Lagnard se pencha de nouveau en avant, prit une allumette dans le pyrogène de la table de nuit et la craqua. Très calmement, il approcha la flamme de la cigarette contenant le rouleau de pellicules inflammables. « Monsieur !» s'écria Ducroix, horrifié. « Qu'allez-vous faire ?» Lagnard lui jeta un regard d'étonnement. « Je vais détruire ces pellicules et ces épreuves. »« Ne faites pas cela !»« Pourquoi pas? Elles m'appartiennent. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Si je ne puis en disposer à mon prix, je vais les détruire. » « Mais, mon Dieu, ce que vous me demandez là est impossible. Arrêtez, monsieur. Songez aux conséquences de votre geste pour la France. » « Je n'y ai que trop songé. Maintenant, il faut que je songe un peu à moi-même. Voyons, 1 minute. » Ducroix se décida à se lever de son lit et sortit des draps ses jambes velues. « 1 minute, soit, mais rien qu'une. Ne me faites pas gaspiller vos allumettes. » « Monsieur, cela sera comme vous le désirez, s'il est en mon pouvoir d'y réussir. » Là-dessus, le ministre se mit debout et se dirigea vers le téléphone, oubliant dans son agitation sa robe de chambre et ses pantoufles. « Il faut vous y réussir, monsieur Ducroix, lui conseilla gravement Lagnard en soufflant la flamme, car si vous échouez, vous vous mettez ma mort sur la conscience. Voici les plans. »« Vous vous fiez à moi ?» demanda Ducroix ébahi. « Mais naturellement, c'est pour vous une question d'honneur, » répliqua suavement Lagnard. Avec un geste de capitulation aimable, le Français prit le petit rouleau de pellicule. « Permettez-moi, dit-il, de vous remercier dans la confiance dont vous m'honorez. » Lagnard s'inclina très bas. « On sait à qui on a affaire, monsieur. Et maintenant, si vous voulez avoir l'obligeance de m'excuser... » Il se dirigea vers la porte. « Mais, dites donc, où allez-vous ? » interrogea Ducroix. « La demoiselle, répondit Lagnard en s'arrêtant sur le seuil, c'est-à-dire la jeune personne qui m'accompagne, m'attend impatiemment dans le jardin, là-bas, dehors. Je m'en vais la retrouver, la rassurer, et avec votre permission, la ramener dans votre bibliothèque où nous attendrons que monsieur ait fini de téléphoner et de réparer les insuffisances de sa toilette qu'il m'excusera, je l'espère, de lui signaler. » Il salua de nouveau avec une gaieté ironique, et quand le ministre de la guerre releva les yeux avec confusion de dessus ses jambes nues, il avait disparu. Plein d'allégresse, Lagnard traversa la maison et gagna une porte de derrière qui donnait sur le jardin, car dans sa nouvelle dignité sociale de protégé du gouvernement, il dédaignait un chemin aussi commun que la fenêtre du jardin d'hiver, dont il avait forcé la fermeture pour entrer. En déverrouillant hardiment la porte, il s'enfonça rapidement dans la nuit, tel un homme qui s'éveille à une vie nouvelle pour aller rejoindre sa bien-aimée. Mais elle n'était plus là. Il n'y avait personne sur le banc ni dans le jardin, et la grande porte bâillait sur la rue. Lagnard étouffa un cri de détresse, et s'éloignant du banc, il courut jusqu'au carrefour de la rue transversale. Mais nulle part, dans ses diverses perspectives, il ne vit rien remuer. Au bout de quelque temps, il regagna le jardin et le parcourut avec le soin méthodique d'un limier battant un sous-bois. Mais il fit cela sans espoir, sachant hélas trop bien que le résultat en serait précisément tel qu'il le fut en effet, c'est-à-dire négatif. Il s'agenouilla auprès du banc pour examiner l'herbe avec une attention minutieuse, à l'aide de sa lampe de poche, et chercher quelque indice de lutte qui lui prouverait qu'elle n'était pas partie de son plein gré. Il n'en avait pas encore trouvé quand une voix vint pour une minute le tirer de sa préoccupation. Il leva des yeux égarés et vit Ducroix debout devant lui. Sa grosse personne était chastement drapée d'une robe de chambre ouatée et d'un pantalon, et son visage exprimait l'ébahissement. « Eh bien, monsieur, eh bien !» demanda le ministre, non sans irritation. « Qu'est-ce que, une fois de plus, qu'est-ce que vous fichez là ?» Lagnard tenta de répondre, mais sa voix s'étrangla. Il se leva et resta comme étourdi, montrant un visage décomposé. « Dites donc !» insista Ducroix sur un ton d'exaspération. « Jusqu'à quand resterez-vous à me dévisager comme ça ? Hein ? Voyons, monsieur, qu'y a-t-il encore ? J'ai tout arrangé, vous dis-je. Où est la demoiselle ?» Lagnard fit un geste accablé. « Disparu !» murmura-t-il avec désespoir. À l'instant, la physionomie du gros homme, romantique invétéré qu'il était, s'éclaira d'une lueur de vive curiosité et s'approcha d'un pas, examinant attentivement le visage de l'étranger. « Disparu ? » répéta-t-il. « Mademoiselle votre fiancée, hein ?» Lagnard, en soupirant, acquiesça d'un geste navré. Dans son impatience, Ducroix le prit par la manche. « Allons !» insista-t-il en le tirant. « Allons, venez tout de suite chez moi. À présent, monsieur, à présent, enfin, vous conquérez toutes mes sympathies. Venez, vous dis-je. Avez-vous envie que je prenne le coup de la mort par ce froid ?» Lagnard se laissa entraîner avec indifférence. Il était en effet à peine conscient de ce qui se passait. Tout son être était possédé par l'unique pensée que Lucie l'avait abandonnée. Et il pouvait sans peine deviner pourquoi. Impossible pour quelqu'un comme elle d'envisager sans frémir la perspective de devenir la compagne d'un homme ayant un tel passé. Folie d'avoir rêvé qu'elle accepterait les hommages d'un malfaiteur, qu'elle pourrait jamais oublier son identité avec le loup solitaire. Inévitablement, tôt ou tard, elle devait fuir cette ignominieuse pensée avec crainte et horreur, bravant toutes les conséquences pour y échapper et oublier en même temps son compagnon d'un jour. Et après tout, mieux valait peut-être maintenant que plus tard.